الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نتدارس شيئا من قصة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى من الصابرين الصادقين الثابتين على دين الله رب العالمين، وهو نبي الله لوط عليه السلام، وله علاقة مع خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه السلام. Donc aujourd'hui, après avoir fini l'histoire d'Ibrahim عليه السلام, nous allons citer l'histoire du prophète Lot عليه السلام. هو لوط ابن هارون أي أخي إبراهيم ابن آزر. Donc Lot est le fils de Haran, qui est le frère du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc Lot est le neveu d'Ibrahim alayhi salam. Et le sens de son prénom, c'est Al-Islah. Le sens du prénom Lot, ça signifie donc la réforme. فهو يعتبر تلميذا لإبراهيم عليه السلام وهو من الأقلية الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام واتبعوه. فلو كما قال الله سبحانه وتعالى فآمن له لوط. الله سبحانه وتعالى nous informe dans le Coran que Lot fait partie de la minorité qui a cru en Ibrahim alayhi salam et qui l'ont suivi et qui l'a suivi. Allah nous dit dans le Coran et Lot a cru en lui, c'est-à-dire la prophétie d'Ibrahim alayhi salam. Wa hajara ma'ah falahu fadl 'azim, et il a fait l'égir aux côtés d'Ibrahim alayhi salam, donc il a ce grand mérite. ذكره الله سبحانه وتعالى 17 مرة في القرآن. الله سبحانه وتعالى l'a cité 17 fois dans le Coran. وفصلت قصته في سورة هود وفي سورة الهجر وهكذا في غيرهما. Et son histoire a été détaillée à la suite de l'histoire d'Ibrahim عليه السلام dans la sourate هود et dans la sourate الهجر. فنشأ في زمان إبراهيم عليه السلام وهاجر معه وسارة من العراق إلى الشام حتى أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأردن في قرى سدوم. Il a donc fait l'égir aux côtés du prophète Ibrahim عليه السلام, de son épouse Sara, de l'Irak à Al-Sham, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève au rang de prophète et lui ordonne d'aller faire da'wah à Madha al-Urdun, en Jordanie, dans une contrée qui se nomme Sadoum. Fastafahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alahu min al-mursaleen. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au rang de messager. Allah dit dans le Coran, et certes Lot fait partie du nombre des messagers. Il a été envoyé الذكور دون الإناث. وتقطيع السبيل وفشو المنكرات في مجالسهم. فنصحهم لوط عليه السلام وحذرهم من الرذائل وبين لهم مآل سيئاتهم، فلم يستفيدوا من نصحه ولم ينتهوا عن فعله، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ماذا السيئات وظلم العباد. لوط في envoyé un peuple associateur et en plus de cela ils ont innové une chose qui est proscrite dans l'islam, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, le fait qu'un homme ait une relation avec un autre homme. Ils avaient, et ils ont pour particularité d'avoir innové cette action qui n'était pas connue avant le peuple de Sodome. Également, il y avait des brigands de chemin. Ils arrêtaient les caravanes, les commerçants, pillaient leurs richesses. Ils avaient également dans leur contrée comme particularité de ne pas se conseiller mutuellement ni de réprimander le blâmable, au point où ils commettaient ouvertement les grands péchés dans leurs assises communes, dans leurs lieux de rencontre. Ils commettaient toutes sortes de turpitudes. Lot alayhi salam leur est donc venu et les a appelés à unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Allah nous dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc Lot les a appelés à unifier Allah azza wa jalla d'un culte sincère. Allah nous dit en Coran: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Lot ont démenti les messagers. Ils ont démenti Lot, alayhi salam, et n'ont pas cru en son message ni à sa prophétie. Pourtant ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont mécru, démenti l'ensemble des messagers. Pourquoi cela? Car celui qui renie un seul prophète ou un seul messager est à l'image de celui qui a mécru en l'ensemble. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit la même chose pour le peuple de Noé, sachant que Noé est le premier messager. Car celui qui renie un seul messager aura renié l'ensemble. فصبر لوط معهم وذكرهم وأنذرهم. Lot alayhi salam a patienté avec eux. Il les a appelés au noble caractère, il les a appelés à la justice, à la piété. Quelle fut la réponse de son peuple? فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Ils ont répondu à Lot: Viens auprès de nous avec le châtiment d'Allah si tu es véridique. Donc ils avaient des doutes quant à la menace de l'autre et ils n'ont pas cru en son message. Ils lui ont dit également: قالوا لا إن لم تنتهي يا لوط ولا تكونن من المخرجين. Ils ont dit également, après avoir été exaspéré de son message, de son prêche, qui les appelait à unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, et à délaisser le fait d'avoir des rapports avec des hommes, à délaisser également le fait de spolier les droits des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres choses. Ils lui ont dit au final: ô Lot, si tu n'arrêtes pas, c'est-à-dire de nous appeler au bien, de nous appeler à l'unité d'Allah Azza wa Jal, de nous appeler à épouser les femmes, de nous appeler à délaisser tout ce que nous faisons, tu seras expulsé et banni de la cité. Celui-là qui a loupé ne venait pas de Sadoum à la base. Il était de l'Irak, tout comme l'était Ibrahim alayhi salam. Donc c'était chez eux un étranger. فَصَبَرَ لُوطٌ عَلَى أَذَاهُمْ. Lot alayhi salam ne s'est pas découragé pour autant. Il a enduré pour Allah Azza wa Jal et n'a pas désespéré de voir son peuple guidé. Il a placé la confiance en Allah Azza wa Jal et n'a cessé de les appeler à revenir au bien. Mais cela ne leur a ajouté que de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au final, Lot alayhi salam a abandonné son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et a fait dua afin qu'Allah azza wa jal le préserve d'un châtiment, car en regardant le comportement de son peuple, il a eu peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse descendre sur l'ensemble un châtiment. Il a donc invoqué Allah azza wa jal afin qu'il le sauve. Allah subhanahu wa ta'ala nous détaille ensuite son prêche. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Et Lot, quand il dit à son peuple, vous laissez-vous, ou bien vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commis avant vous? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec des hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple transgresseur. فَلَمْ يَقْبَلُ نُصْحَةَ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Donc Lot les a appelés à délaisser les relations entre hommes et les a appelés à épouser les femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour eux. Mais ils ont refusé cela car ils étaient passionnés plutôt par les hommes, au point où certains parmi les historiens ont dit qu'ils n'épousaient plus les femmes. Ils n'épousaient plus les femmes et n'avaient aucun penchant vers les femmes. Ça n'était pas comme à cette époque où il y a une minorité qui s'adonne à cela. Non, c'était tout un peuple. C'était tout un peuple qui faisait cela. قال الله وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي من الفاحشة. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire: expulsez-les de votre cité, ce sont là des gens qui veulent se garder purs. Donc, aux yeux du peuple de Lot, Lot ainsi que sa famille ne méritent pas de rester auprès d'eux. Quel est leur mal? Quel est le péché de l'eau? Quel est le manquement dans les agissements de l'eau? Innahum unasun yatatahharun. Car ce sont des gens qui se purifient. Car ce sont des gens qui ne veulent pas faire ce que nous faisons. Car ce sont des gens qui condamnent ce que nous faisons. Fada'a Lot wa talaba min Allah an yunadiya huwa. Donc Lot alayhi salam a invoqué Allah azza wa jal et lui a demandé de le secourir, de le préserver lui ainsi que sa famille parmi les croyants. Fastajab Allahu li da'watihi. Allah azza wa jal a exaucé l'invocation de Lot alayhi salam. Fa arsala rusulan min mala'ikatihi. Il a donc envoyé de ses messagers parmi les anges. Wa qabla mururi qabla maji'ihim ila Lot alayhi salam marru bi Khalil Rahman Ibrahim alayhi salam wa basharuhu bi ghulam alim Ishaq min an-nabiyyin alayhi salam wa hakadha akhbaruhu بإهلاك قوم لوط فخاف إبراهيم عليه السلام على ابن أخي المؤمن الموحد فتكلم ونعم تكلم مع الرسل دونك الله عز وجل اكزوسي لانفوكاسيون دو لوط عليه السلام et a envoyé parmi ses messagers des anges. Certains ont dit qu'ils étaient au nombre de trois. Certains ont dit qu'ils étaient au nombre de trois. Wallahu a'lam. Avant de se rendre auprès de l'autre, ils sont passés par Ibrahim alayhi salam, comme nous avons cité cela dans l'histoire des invités d'Ibrahim alayhi salam. Ils sont passés à lui, ils sont passés par lui, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle d'un enfant qui sera savant. C'est Ishaq alayhi salam, parmi les prophètes. Deuxième information, l'anéantissement et la descente du châtiment sur le peuple de Lot. Alors Ibrahim alayhi salam a eu peur pour son neveu, ce monothéiste. Mais les anges ont dit à Ibrahim, « Ya Ibrahim, arrive an had, et an al-jidal, innahu qad ja'amru rabbik, innahum atihim azabu. » عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوتٌ. Ibrahim a essayé de discuter avec les anges afin que le châtiment ne tombe pas sur Qurasadoum du fait qu'il y a parmi eux des croyants, entre autres Lot alayhi salam. Au final, les anges ont dit oh, Ibrahim, renonce à cela, c'est-à-dire à débattre de ce sujet, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu et un châtiment irrévocable va leur arriver. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, nous annonce qu'il sauve les croyants. Il sauve les croyants. Ensuite, les anges se sont rendus auprès de l'autre, alayhi salam. Qala Allah, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la venue de ces anges auprès de l'autre alayhi salam, en nous disant, et quand nos émissaires vinrent à l'autre, il fut chagriné pour eux et en éprouva une grande gêne et dit, voici un jour terrible. Voici un jour terrible. L'autre alayhi salam, lorsqu'il les a vus, ces anges, lorsqu'ils viennent sous l'apparence humaine, ces anges étaient sous la forme humaine. Et lorsqu'ils viennent sous l'apparence humaine, يَأْتُونَ عَلَى سُورَةِ أَحْسَنْ مَذَا الرِّجَلْ شُبَّانْ حِسَانْ فِي غَايَةٍ مِنَ الْجَمَالِ. Et sachez que lorsque les anges viennent sous l'apparence humaine, ils viennent de la plus belle manière. Ils sont jeunes, ont des visages très très beaux. Alors lorsque l'autre, alayhi salam, a vu ces gens-là, son cœur, il a été immédiatement attristé. Pourquoi? Car il sait le penchant de son peuple pour les hommes. Donc leur grande beauté allait troubler ces hommes. Car le peuple de l'autre, akramakumullah, en plus d'avoir des relations avec les hommes, ils commettaient également ce qu'on pourrait appeler au jour d'aujourd'hui le viol, subhanallah. Ils prenaient les gens et s'adonnaient à l'acte de gré ou de force. Et lorsqu'il y avait des passants, ils pillaient leurs richesses et par moments même, ils les violaient. J'entends par cela les hommes violaient les hommes, wal'iyadu billah. Également, l'autre, alayhi salam, s'est trouvé dans la gêne et a été attristé par leur venue du fait que son peuple, donc lui était étranger au sein d'eux, son peuple lui avait interdit d'accueillir les passants et les voyageurs. Qala Allah, أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. ils dirent, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Donc ça, c'était une règle que le peuple de Lot avait imposée à Lot, alayhi salam. Mais Lot, de par son excellent comportement, n'a pas pu refuser ses invités. De par son excellent comportement. Et c'est un élève d'Ibrahim, alayhi salam. On a vu comment Ibrahim, alayhi salam, a atteint la perfection dans son comportement. فخاف عليهم لوط مع ذلك ولكن مع ذلك ضيفهم. لوط a eu peur pour eux de la nuisance qu'il pourrait recevoir de son peuple, mais malgré cela il leur a accordé l'hospitalité. فلما علم قومه بمجيئهم اسرعوا اليه لقوه شهوتهم وميلهم الى الفاحشه. Peu de temps après leur venue, le peuple de Lot a eu connaissance de la venue d'un groupe d'hommes dotés de grande beauté. Et cela probablement par l'intermédiaire de l'épouse de Lot, qui avait pour habitude de s'entraider dans le mal avec son peuple. Et parmi ce qu'elle faisait, elle dévoilait les secrets de Lot, alayhi salam, à son peuple. Et lorsque Lot, alayhi salam, avait des invités, ou lorsqu'il y avait des hommes, elle prévenait son peuple, afin qu'ils puissent assouvir leur plaisir charnel avec ces hommes. قال الله فجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون. Allah nous dit, quant à son peuple, ils vinrent à lui à courant. Donc lorsqu'ils ont entendu la venue d'hommes, ayant une grande beauté, ils sont venus en courant. Subhanallah. Wa fi surat al-Hijr, wa ja'a ahlu al-Madinati yastabshirun. Et les habitants de la ville vinrent à lui dans la joie. Ils se sont annoncé la bonne nouvelle mutuellement. Il y a des hommes ayant la plus grande beauté chez l'eau. Ils se sont mutuellement transmis cette information et ils sont venus chez l'eau et allés en se précipitant. وَكَمَا ذَكَرْتْ كَانَ مْرَأَةَ لُوطْ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُخْبِرُ قَوْمَهَا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ نَصَحَهُمْ لُوطْ وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى قَضَاءِ شَهْوَتِهِمْ فيما أحل الله سبحانه وتعالى لهم. Lot عليه السلام, lorsqu'il a reçu son peuple à la porte et lorsqu'ils ont essayé d'entrer chez lui pour prendre les invités de Lot et les opprimer, Lot عليه السلام a essayé de les appeler à la raison. Il a essayé de les raisonner. Il les a appelés à se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a demandé de ne pas l'humilier en nuisant à ses invités. Et parmi ce qu'il leur a dit, قَالَ يَا قَوْمْ هَاُلَا إِبَنَاتِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ أَيْ مِنْ ضُيُوفِ. L'autre a dit, ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Les exégètes du Coran ont divergé sur ce qui est voulu par la parole de l'autre, alayhi salam, ici, voici mes filles. Est-ce que ce sont ses propres filles? Est-ce que ce sont les filles de la communauté? Donc les femmes du peuple, les célibataires. إذن قال بعض العلماء أي نساء القوم. طيب أي أرشدهم إلى الزواج بالنساء وقضاء شهوتهم فيما أحل الله سبحانه وتعالى لهم. Certains savants disent l'explication de voici mes filles, c'est-à-dire que voici les femmes qu'Allah a créées pour vous, délaissez mes invités et épousez les filles. Ceci vous est permis par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi vous pourrez assouvir votre désir. Et parmi ceux qui appuient cet avis, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit dans un hadith « Ana lakum bimanzilatil walid » ou « Kama khala nabi sallallahu alayhi wa sallam » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il est pour nous comme un père. Donc le prophète a la place du père dans la communauté. Maza, d'autres parmi les savants ont dit que si Mimbab al-Ilzam, comme quoi il visait ses filles, ses propres filles, l'autre avait, certains ont dit deux filles. Voyez. Donc, l'autre leur dit, voici mes filles, prenez mes filles plutôt et laissez mes invités. Il ne veut pas réellement qu'il s'approche de ses filles. Mais c'est comme le prophète Suleyman alayhi salam, lorsque les deux femmes se sont disputées un enfant, et qu'il a dit, amenez-moi un couteau. Je vais couper l'enfant en deux, et vous allez pouvoir chacune prendre une part de l'enfant. Est-ce que Suleyman alayhi salam allait véritablement couper l'enfant? Non. Puis, Maza, la jeune parmi les deux femmes, a dit non, c'est son enfant, donne-lui. Donc lorsqu'il a reconnu la rahma de la vraie mère, il lui a dit, tu es véridique toi, et il lui a accordé l'enfant. À l'image d'un homme qui te voue un grand respect, il vient pour opprimer une personne devant toi. Tu la retiens, tu lui dis ne le frappe pas, ne le frappe pas. Et il est déterminé, il ne veut pas t'écouter. Au final, tu lui dis frappe-moi moi. Frappe-moi moi, laisse-le lui et frappe-moi moi. Et tu sais pertinemment qu'il ne va pas lever la main sur toi. Ben c'est à l'image de ce qu'a fait ici l'autre alayhi as-salam. Et c'est ce qu'a Maza. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit que voici que ce que je viens de vous dire au final, yani la dernière parole que je vais vous expliquer, voici le sens du verset. Malgré cela, ils n'ont pas délaissé ses invités. Ils n'ont pas écouté le conseil de l'autre, alayhi salam. بعد ذلك قال لهم لوط فاتقوا الله خني الله ولا تخزوني في ضيف خني donc Allah et ne me déshonorez pas devant mes hôtes. Craignez donc Allah et ne me déshonorez pas devant mes hôtes. اي راقبوا الله واتركوا هذه المعصيه. Ressentez qu'Allah vous surveille. Cherchez à vous rapprocher d'Allah en faisant ce qu'il vous a commandé, en délaissant ce qu'il vous a interdit. Et si vous n'êtes pas pieux et que cela ne vous suffit pas pour délaisser mes invités, alors délaissez-les juste pour ne pas me déshonorer. Donc première étape, pour Allah, délaissez. Si vous n'avez pas ce niveau de foi, si vous n'avez pas cette intelligence, alors délaissez-les au moins pour ne pas m'humilier ou bien me déshonorer devant mes autres. Alaysa minkum rajulun rashid, n'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Donc, subhanallah, un peuple entier qui se réunit pour agresser les invités de l'autre. Et Anis, tu peux trouver dans une société une minorité ou bien un groupe de personnes qui va par exemple voler, qui va commettre le meurtre, qui va commettre le viol, wal'iyadu billah, et toutes sortes de turpitudes. Mais une communauté entière se réunissant sur cela comme cela est arrivé pour les invités de l'autre, cela nous montre que vraiment ils ne s'interdisaient pas mutuellement le blâmable. Et ici on voit la gravité de laisser se répandre les mazas, les péchés dans une communauté. Car s'il y a un mal et que ceux qui savent se taisent, le mal va se répandre. Le mal va se répandre jusqu'à englober le quartier, puis Maza, la ville, puis le pays, et cela va se répandre. Donc on voit ici la gravité et les effets néfastes du délaissement de « Al-Nahyu Anil Munkar ». le fait de réprimander le blâmable. Donc n'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable, c'est-à-dire qui pourra conseiller les autres, qui pourra empêcher et retenir ses compagnons de me déshonorer et d'agresser mes invités ? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Ils disent, tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Donc ils se sont détournés de tout le rappel de l'autre, alayhi salam. Et ils lui ont dit, tu sais très bien que nous ne voulons pas les femmes, nous voulons les hommes. Et que nous n'avons pas de penchant ni de désir pour les femmes. Alors à ce moment-là, l'autre a été chagriné encore plus et a eu extrêmement peur pour ses invités. Imaginez-vous dans une situation semblable. Vous êtes étranger dans un pays et il y a les hommes de tout un un quartier ou une ville qui viennent chez vous pour agresser sexuellement vos invités. Et Annie, c'est une grande maza, c'est un grand désarroi et c'est une grande humiliation pour la personne. Alors l'autre a été chagriné et ne savait plus quoi faire, si ce n'est qu'il a su où se diriger. Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. L'autre a dit, ah si seulement j'avais la force de vous résister. Ou bien si je trouvais un appui solide. Comme quoi? Comme une tribu. Voyez, comme une grande famille. Et je me répète, l'autre n'était pas de cet endroit. Donc il n'avait pas avec lui sa tribu, ni une grande aide dans ce peuple. Il entend par cela les causes visibles. Comme yani, par exemple une tribu, une armée, et ainsi de suite. Fa'illa qad laja'a إلى ركن قوي لا أقوى منه وإلى القوي العزيز الذي لا يغلب الله الكبير المتعال. Ici, l'autre, alayhi salam, lorsqu'il nous dit cela, il veut dire qu'il n'a pas trouvé de cause pour le défendre et l'aider, pour préserver ses invités, en apparence. Mais en réalité, l'autre, alayhi salam, a l'appui le plus solide. Il s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, le force, le puissant, l'inébranlable, celui qui ne peut être vaincu, celui qui, lorsqu'il se dirige vers lui, est le groupe qu'on ne peut pas battre, ni terrasser, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit d'ailleurs les éloges de l'autre, alayhi salam, en disant, rahmatullahi ala l'autre. إنه كان يأوي إلى ركن شديد إذ قال لقوم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahihay, a fait les éloges de l'autre alayhi salam en disant qu'Allah fasse miséricorde à l'autre. Certes, il s'est dirigé vers un appui solide lorsqu'il dit à son peuple, si j'avais la force de vous résister ou bien si j'avais un appui solide. Après cela, donc l'autre, pour que vous visualisez, yani la situation, était devant sa porte, à l'intérieur de chez lui. Et il y avait derrière la porte son peuple qui essayait de casser la porte, d'enfoncer la porte, pour se saisir de ses invités et de faire ce que vous pouvez imaginer. Lorsque l'épreuve a atteint son paroxysme, ils ont informé l'autre de qui ils étaient en réalité. Car ils sont venus sous l'apparence humaine. Et les prophètes et messagers ne connaissent pas les choses de l'invisible. Dans cette histoire et de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, on tire une faïda, c'est que même les prophètes, la ya'lamuna al-ghayb. Même les prophètes et les messagers, même les meilleurs prophètes et messagers ne connaissent pas les choses de l'invisible, si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jal a bien voulu leur révéler, comme cela a été cité dans sourate Al-Jinn. Ibrahim alayhi salam au début n'a pas su qu'ils étaient des anges. Et l'autre alayhi salam n'a su qu'à cet instant qu'ils étaient des anges. Jibril alayhi salam à ce moment s'est approché de la porte et du bout de son aile a aveuglé le peuple de Nuh, le peuple de l'autre. Je ne sais pas pourquoi depuis le début je me trompe. Peut-être qu'on a vécu un bon moment, inshallah, avec l'histoire de Nuh alayhi salam. Ala kulli, Jibril alayhi salam est venu et du bout de son aile il a aveuglé le peuple de l'autre, du moins ceux qui se trouvaient derrière la porte. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayk. Donc ils ont informé l'autre de qui ils étaient. Alors les autres dirent, ô l'autre, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Nous sommes des anges, des messagers envoyés pour faire descendre le châtiment sur ton peuple. Ils ne pourront jamais t'atteindre. De cela on tire, فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا كلما عظم الكرب قرب الفرج. Yani de cela on tire que plus le souci est immense et plus ton problème augmente, plus le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche. Ici Jibril alayhi salam s'est donc avancé et du bout de son aile ou bien de son aile il a aveuglé ceux qui se trouvaient derrière. فَبِجَنَاحِ طَمَسَ أَعْيُنَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى دِيَارِهِمْ وَتَوَعَّدُوا لُوطًا فِي الْغَدْ فِي صَبِيحَةِ الْغَدْ. Ensuite ils sont repartis en menaçant l'autre, en lui disant que demain matin, yani demain matin, tu verras ce que nous ferons de toi. Donc ils ont menacé l'autre et lui ont dit et lui ont donné rendez-vous le lendemain matin. Et Allah Azza wa Jalla nous parle de l'action de Jibril alayhi salam dans sourate Al-Qamar. Wa laqad rawaduhu 'an dhayfi fa tamasna 'ayunahum fa dhuqu 'adhabi wa nuzur. En effet, elle voulait séduire ses hôtes. Nous aveuglâmes leurs yeux. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. بعد ذلك قبل نزول العذاب قالت الملائكة للوط كما قال الله سبحانه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de dire à Lot alayhi salam de partir lui ainsi que sa famille avant le fajr, dans une partie de la nuit. Vous devez sortir, partir, donc à un moment où tout le monde est distrait, à un moment où tout le monde dort en cachette. Tayyib, pars avec ta famille à un moment de la nuit. Wa la yaltafit minkum ahad, et que personne d'entre vous ne se retourne. Lorsque vous entendrez le châtiment et lorsque le lorsque ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété sur ce peuple deviendra effectif, il ne faudra pas se retourner. Bien au contraire, que votre seule pensée soit de fuir et de vous sauver du châtiment qui va tomber sur ce peuple le lendemain. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا مْرَأَتَكْ. Excepté ton épouse, excepté ta femme. Donc إِلَّا مْرَأَتَكْ, il y a deux lectures. إِلَّا مْرَأَتُكْ بِالرَّفْعِ إِلَّا مْرَأَتَكْ بِالنَّصْرِ. Donc de cela il y a deux tafsirs. Donc que personne ne se retourne en arrière. Donc pars avec ta famille à un moment de la nuit et que personne ne se retourne en arrière, exception faite de ton épouse qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Donc le châtiment qui touchera les autres, ton peuple. طيب. على النصب نفي للخروج أي إلا امرأتك ما ستخرج. Donc si c'est mansoub, le sens du verset est « Pars avec ta famille à un moment de la nuit et que personne ne se retourne en arrière. » exception faite de ton épouse qui ne partira pas avec vous. Donc avec la fatha, quand c'est mansoub, le sens est que l'épouse de l'autre ne sortira pas. Ne sortira pas, elle va rester au sein de son peuple et elle sera châtiée avec son peuple. Et avec la dhamma, إذن بالرفع إثبات للالتفات المرأة avec le raf, avec la dhamma, c'est exception faite de ton épouse, c'est-à-dire elle va sortir avec vous mais elle va se retourner et donc elle sera touchée du châtiment. Elle sera afwan, elle sera donc touchée du châtiment. إنه مصيبها أي من العذاب ما أصابه لماذا لأنها كانت معهم تتعاون معهم والمرء مع من أحب وفي هذا تحذير عظيم من جلساء السوء والميل إلى ماذا أهل الإفساد فإذا عذب الله القوم عذبه معه أو معهم. L'épouse de l'autre, alayhi salam, était sur la voie de son peuple. Elle était sur la voie de son peuple. Elle ne croyait pas. Elle a trahi son mari. C'est pas khiyanatul firash. La trahison n'est pas l'adultère, bien sûr. Il n'y a aucun prophète qui a eu une épouse qui commettait l'adultère ou toute action qui aurait pu nuire à l'honneur du prophète. Et il n'y a pas d'exception à la règle. Donc quel est le sens de la khiyana, de la trahison ici? C'est la trahison dans la religion. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas suivi dans sa religion. Et également, comme cité auparavant, elle informait les gens de son peuple des invités que l'autre recevait. Donc elle s'entraidait dans le mal avec son peuple. Et pour cela qu'Allah Azza wa Jal la joint au châtiment de son peuple. Car lorsque tu penches vers des gens, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait descendre son jugement, tu es avec eux. Et nombreux sont les hadiths qui montrent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mar ala dini khalili, l'homme à la religion de son ami intime. Donc, prends garde à, yani fais attention à tes fréquentations. Et ça va dans le mal et dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mar ma'a man ahab. Si tu es pieux, tu seras avec les pieux au al-qiyamah. Si tu t'égares, tu seras avec les égarés au al-qiyamah. À l'exemple de ceux qui délaissent la salat, ils sont restés avec qui? Avec Pharaon, avec Obey ibn Khalaf, avec les têtes des non-musulmans et de ceux qui ont semé le désordre sur la terre. À l'inverse, celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aime les sahaba, sera resté avec eux. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحشرنا مع نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. Donc dans cela, il y a une mise en garde contre les mauvaises fréquentations. Si tu prends de mauvaises fréquentations, sache que lorsqu'Allah Azza wa Jal fait descendre sa colère, il te joint à eux. Même si tu n'as pas toutes, même si tu n'as pas toutes leurs caractéristiques. C'est pour cela que dans l'islam, hatta al-mubtadi', même l'innovateur, tu ne le prends pas en ami intime. Tu ne le fréquentes pas. De peur qu'il corrompt ta religion, ton comportement, ta croyance, ta droiture, ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des pieux prédécesseurs était assis en compagnie de son fils. C'était un homme de science, un savant du hadith. Un innovateur est venu le voir et lui a dit « Laisse-moi te réciter un verset ». Il a voulu discuter avec lui. Mais l'innovateur a pour habitude de par les ténèbres qui habitent son cœur et son penchant pour les passions et les ambiguïtés, de faire miroiter un bien devant toi pour mieux t'égarer par la suite. pour mieux t'égarer par la suite, à l'image de quelqu'un qui te présente un beau plat, mais empoisonné. Alors, le savant lui a dit, non, ne serait-ce qu'un demi-verset. Il lui a dit, je ne veux pas écouter de toi, c'est du Qur'an, il veut les réciter du Qur'an. Vous entendez? Du Qur'an, kalamullah, khayrul kalam. Et il lui a dit, non, je ne veux pas écouter, je ne veux pas que tu me récites ce verset, ni même la moitié du verset. Car certes, l'innovateur, lorsqu'il vient, il te dit un bien pour ajouter par cela le mal. Puis il a dit à son fils, mets tes doigts dans tes oreilles et enfonce les fins. Mets tes doigts dans tes oreilles et enfonce les fins. Donc, il faut faire attention aux fréquentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'un groupe, d'une armée, vers la fin des temps, qui attaquera Mecca, qui détruira Al-Ka'ba. Wallahu musta'an. Qui détruira Al-Ka'ba. Et Allah Azza wa Jal ne les empêchera pas, contrairement à ce qu'il a fait avec Ashab al-Fil. Ils vont casser Al-Ka'b. Ensuite, ils vont s'aligner jusqu'à la mer. Et ils se feront passer les pierres de la Ka'ba une par une. Ce sont des hommes qui sont arqués et jusqu'à la fin du hadith. Subhanallah, ils vont détruire la Ka'ba. Savez-vous ce qui se passera? Ou bien plutôt, non. Ce n'est pas ce hadith que je visais, un autre hadith où un groupe viendra pour attaquer le Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala va tous les ensevelir. Alors que parmi eux, il y avait des caravanes. Yani c'est un voyage, donc il y a des commerçants parmi eux. Voyez, soit cela s'est passé, soit ça viendra, j'ai oublié le hadith. Si mes souvenirs sont bons, il est dans Riyad Salihin, dans Bab al-Niyya. Vous regardez, inshallah, dans Riyad Salihin, le chapitre de l'intention. Un djeish, un groupe armé qui vient pour détruire Al-Ka'ba, avec eux, Mada, les commerçants. Donc des gens qui n'ont rien à voir avec ce mal. Ils viennent pour faire du commerce, pour vendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah azza wa jal les ensevelit, va les ensevelir du premier au dernier. Ils vont être avalés dans la terre. Du premier au dernier. Aïcha radiallahu anha s'est étonnée. Il a dit à Rasulallah, du premier au dernier, mais il y a parmi eux les commerçants. Bima'ana, ils n'ont pas cette intention, eux, d'attaquer le Ka'ba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous, du premier au dernier. Puis, chacun sera ressuscité selon son intention. Regarde ici. Pourquoi cela? Car ils étaient, même en apparence, pas dans le cœur, ils ne sont pas venus pour attaquer le Ka'ba, mais en apparence, ils sont avec qui? Ils sont avec les gens du mal. Quand tu es avec les gens du mal, lorsque le châtiment descend, il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Wallah, inna kala takha. Wallah, des fois tu as peur de rentrer dans un tabac pour acheter un temple. Alors que les gens boivent de l'alcool et font et font et font. Combien de sortes de haram, des jeux de hasard et telle chose. Tu t'achètes un temple, wallah, tu as peur que le châtiment d'Allah Azza wa Jal descende. Que dire alors dans un mujtama' où il y a toutes sortes de turpitude. Izan, inna musibuha. Allah Azza wa Jal nous informe et nous dit, elle sera atteinte par ce qui frappera les autres, c'est-à-dire le châtiment. C'est-à-dire le châtiment. Inna maw'iduhum as-subh. Inna maw'idahum as-subh. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. Donc eux, souvenez-vous qu'ils avaient menacé l'aube, quand est-ce? Le lendemain à l'aube. Ben Allah Azza wa Jal informe que c'est eux qui vont recevoir le châtiment à l'aube. وَكَأَنَّ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامِ اِسْتَعْجَلَ ذَلِكَ. Et on dirait, yani en apparence, l'aube aurait voulu que le châtiment vienne tout de suite. S'ils vont être châtiés, pourquoi pas, yani à l'instant, pourquoi pas tout de suite? Alors les anges lui ont dit, أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. L'aube n'est-elle pas proche? Comme pour le tranquilliser. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا. Ensuite Allah dit, et lorsque vint notre ordre? Aïe, بَعْدَ ابْتِعَادِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَهْلِهِ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا أي بِنُزُولِ الْعَذَابِ فِي وَقْتِ خُرُوجِ الشَّمْسِ. Allah nous dit, donc, lorsque vint notre ordre, c'est-à-dire la descente du châtiment, quand est-ce? Après que l'aube et plus s'éloigner lui ainsi que sa famille de l'endroit de la descente du châtiment. À quel moment Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hijr nous dit à quel moment a eu le châtiment? Dans Surat al-Hijr, il nous montre que c'est au moment du lever du soleil. Allah nous dit dans le Coran, فأخذتهم الصيحة مشرقين. Alors au lever du soleil, le cri les saisit. جعلنا أيديارهم قرى صدوم. Allah Azza wa Jalla ensuite nous décrit le châtiment. C'est un châtiment qui se compose de plusieurs sortes de châtiments. Chacun de ces châtiments est terrible. Il nous dit ja'alna, donc nous renverse ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah nous dit nous renversâmes la cité de fond en comble. C'est-à-dire que la cité a été élevée, Qura Sadoum tout entière, avec ce que contiennent Mada, ces endroits, comme animaux, comme végétation, comme personne. Cette terre a été élevée. Jibril alayhi salam a saisi de son aile l'ensemble de Qura Sadoum. Ensuite, il est monté. En prenant cette partie de la terre, il est monté au ciel. Puis, il a retourné la terre. Donc, le haut est devenu le bas. Le bas est devenu le haut. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. Au point où les habitants des cieux ont entendu les aboiements de leurs chiens et les bruits, je ne sais pas comment on dit, des coqs. Taïeb, comment est-ce qu'on appelle le cri du coq? Mais y'a arrive. Hein? En français. Il y a un nom? Probablement qu'il y a un nom. Mais mon manque de science me fait dire ma adri. Taïeb. Donc, observez ce châtiment. Ja'alna aliyaha safilaha. Comme cela a été expliqué, Jibril alayhi salam est venu. Il a pris de son aile l'ensemble de ses habitants, avec leurs habitations et leurs terres, et tout ce que cela contenait. Puis il est monté au ciel de ce bas monde, au point où les habitants des cieux, les anges, ont entendu les cris de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens. Imaginez ces gens, subhanallah, qui sont élevés vers le haut. Ils voient cela. Ils voient le châtiment d'Allah Azza wa Jal s'abattre sur eux. Puis, on a retourné la terre. La ilaha illallah. On a retourné la terre. Ils ont été renversés. Et leur terre avec. Et tout ce qu'elle contenait. Et ce n'est pas tout. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjil. Puis, nous fîmes, Taïb, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres. Donc, on a élevé cette terre avec leurs habitants. On a retourné cette terre avec ses habitants. Puis Allah Azza wa Jal a fait pleuvoir le ciel de pierres d'argile solide. Donc, certains ont dit hijaratan minna shadidat al-harar, des pierres à l'image de boules de feu, taïeb, qui se succédaient les unes les autres comme une pluie lorsque vous voyez un orage, une tempête. Min siddin mandoud, mandoud ay mutatabi'a, qui se succèdent, une pluie de pierres qui se succèdent, une pierre une après l'autre, telle une pluie qui tombe. Musawwamatan 'inda rabbik, portant une marque connue auprès de ton Seigneur. Les savants ont dit chaque pierre avait une annotation qui était précise pour telle personne. Chaque pierre portait le nom de la personne. Elle poursuivait cet habitant et le lapidait. chaque pierre était destinée à une personne tout particulièrement, elle venait le toucher. Subhanallah. Donc Jibril alayhi salam les a renversés et ils sont tombés à la renverse, puis ils ont été lapidés par des pierres d'argile qui se sont succédées. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit: وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Et ce châtiment-là n'est pas loin des injustes. Celui qui ne tire pas profit de cette histoire, celui qui ne se réforme pas après cette histoire, qu'il sache que le châtiment qui est tombé sur le peuple de Lot n'est pas loin de sa personne. Ça n'est pas parce que le peuple de Lot a été exterminé qu'on n'entend plus parler d'eux et qu'ils ne marchent plus sur la terre. On entend parler d'eux, mais qu'ils ne marchent plus sur la terre et qu'ils ne sont plus en vie, si ce n'est en vie dans le barzakh, pour subir les châtiments de la tombe, wal'iyadu billah, que la personne doit se sentir à l'abri. Non. Wama. Allah Azza wa Jalla nous dit: Wama hiya min al-zalimin bi-ba'id. Ce châtiment-là n'est pas loin des injustes qui ne se réforment pas. Qu'est-il advenu de l'épouse de l'autre, alayhi salam? Est-ce que son rang par rapport à l'autre, alayhi salam, l'a sauvé? Est-ce que d'avoir été l'épouse d'un prophète et du neveu de Khalil Rahman l'a aidé? Est-ce que le fait d'avoir été la mère des enfants de l'autre, alayhi salam, l'a aidé? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran qu'elle a été touchée de ce qui a été touché son peuple comme châtiment. Et on a fait un exemple et une parabole sur laquelle il nous faut méditer. Et un verset dans le Coran qu'on lit, qu'on étudie, récite et médite, il a courbi qiyam sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans surat al-Tahrim, à la fin de surat al-Tahrim: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Et Allah cite en parabole pour ceux qui ont mécru, la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueuses, de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent. Et ils ne furent d'aucune aide pour elles vis-à-vis d'Allah. Donc Nuh et Lot ne furent d'aucune utilité pour leurs épouses auprès d'Allah. Que ce soit dans ce bas monde lorsque le châtiment est tombé, ou dans la tombe, ou yawm al-qiyamah, ou lorsqu'elles seront en enfer, wal'iyadu billah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. Avec ceux qui y entrent. Donc, ne fut sauvé du peuple de Lot que Lot alayhi salam et ses filles, qui ont cru en lui et qui ont unifié Allah azza wa jalla d'un culte sincère. Qui ont cru en lui et ont adoré Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Certains savants se sont posé la question. On trouve que dans tel peuple, il y a eu tel châtiment, dans tel peuple, tel châtiment, dans tel peuple, tel châtiment. Mais là, on a renversé la terre. On a renversé la terre. C'est un châtiment, yani, qui a été multiple, et en plus de cela, qui est plus grave que ce qu'ont reçu les autres. Pour réponse, certains ont dit, le peuple de Lot, alayhi salam, a changé la nature première que possède l'homme à la base, en renversant el-fitra. Il jaza min jins al-amal. Et la rétribution est donnée en fonction de l'action. Alors Allah Azza wa Jal a aussi renversé leur terre. Wadah. Allah Azza wa Jalla a renversé leur terre. Car ils ont renversé l'habitude qu'il y avait jusqu'à présent. Tayyib. Une remarque avant de finir sur les fawaïd de cette histoire. Est répandu sur la langue de beaucoup de personnes. يعني شاع أن يسمى عمل قوم لوط باللواط. طيب ومن يعمل عمل قوم لوط باللوط. D'accord. C'est répandu en arabe le fait d'appeler celui qui a des rapports sexuels avec un homme, en arabe le mot loti. D'accord. Certains disent en arabe pour donnent quand même appellation à celui qui a des rapports sexuels avec un homme. Voyez, il y a des mots qu'on n'ose pas dire, mais lorsqu'on dit des rapports sexuels avec un homme, c'est-à-dire yani akramakumullah par derrière. D'accord. Donc en arabe, certains disent loti et l'action al-liwat. D'accord. Cela a été réprimandé par certains savants et parmi Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Car c'est comme si ça faisait référence à qui? À l'autre, alayhi salam. Donc religieusement, ça ne convient pas. Deuxièmement, l'oratan, dans la langue arabe également, non plus plutôt. Pourquoi? Parce que l'autre signifie l'islah, la réforme. D'accord? Le fait de réparer quelque chose. Donc ça ne va pas avec l'appellation. Ça ne va pas avec l'appellation. D'accord? Et lorsque tu dis l'autre en arabe, c'est nisbatan ila l'autre. Comme quand tu dis Muhammadi. D'accord? Nisbatan ila nabi ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est, tu annexes ta personne à l'autre. Comme quand tu dirais Moussaï ou Moussaoui. D'accord? Tu t'affilies à Moussa. Wadah? Alors que lorsque tu dis l'autre, si tu entends par cela le fait d'avoir des rapports avec les hommes, ça ne fait pas référence à l'autre. Bien au contraire, l'autre était une personne qui ne faisait pas cela. Donc il ne convient pas d'appeler l'homosexualité al-lotiya ou yani d'appeler un homosexuel de loti. Non, on dit celui qui fait amel qawm, l'autre. Celui qui fait les actions du peuple de l'autre. Mais on ne peut pas dire loti car ça fait référence au prophète, l'autre, alayhi as-salam. Et au-delà du jugement religieux de l'islam sur l'homosexualité, comme vous le savez tous, et ça n'est pas interdit que dans l'islam, c'est même interdit dans les autres religions, comme le christianisme, le judaïsme, taïeb. Donc même les non-musulmans, d'accord, ont proscrit maza l'homosexualité. Taïeb, ça c'est une chose à savoir. Si une personne te vient et dit Mada concernant l'homosexualité sur l'islam, il faut leur rappeler que c'est interdit dans l'islam, certes. Certes. Mais c'est également interdit dans votre religion, qui est le christianisme, qui est la religion de la majeure partie des habitants de l'Europe. Voyez. Au-delà de cela, yani les médecins ont démontré que d'avoir des rapports par derrière amenait de nombreuses maladies et nuisait à la personne physiquement et même yani autre que le physique. Et ça, c'est une chose connue. Yani bil fitra fil haqiqa. Taïb. Et il faut savoir également que tout comme cela est interdit que l'homme fasse avec l'homme par derrière, c'est également interdit que l'homme fasse cela avec son épouse, akramakumullah. Cela est proscrit dans l'islam. Cela est proscrit dans l'islam, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et il dit également que ceux qui ont dit que certains parmi les pieux prédécesseurs auraient permis cela, cela est faux. L'islam proscrit cela. Et il y a des hadiths qui sont Hassan ou bien Mada bi majmou'i turuqiha tartaqi ila darajatil husn. D'accord. Donc il y a des hadiths qui interdisent à l'homme de commercer avec son épouse par autre que l'endroit qui a été permis. Par autre que l'endroit qui a été permis. Également parmi les preuves de cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Nisa'ukum harth, fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos épouses sont, yani on a cité en parabole le champ de labour par rapport à yani la graine, puis la pousse, et ainsi de suite. Et l'endroit d'où viennent les enfants, c'est akramakumullah farj al-mar'a, et non pas ad-dubur wal-iyadu billah. Donc, par cela également, les savants ont tiré que c'était interdit de d'avoir des rapports avec l'épouse par cet endroit-là. Tayyib. Hakadha barakallahu fikum. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Premièrement, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles entre hommes dans l'islam. Deuxièmement, le peuple de Lot sont les premiers à avoir fait cette action. Troisièmement, celui qui ne suit pas les textes peut s'égarer au point de voir le bien mal et le mal bien. Ils ont dit à Lot, alayhi salam, désormais, khair inshallah. Innahu unasun yatatahharun. Ce sont des gens qui se purifient. Donc ils ont vu en Lot un mal du fait qu'ils se purifiaient. Subhanallah. Et cela nous rappelle l'époque dans laquelle nous vivons. Observez que lorsqu'une femme est chaste et lorsqu'une femme veut se vêtir décemment, on la taxe d'anormal. Et lorsqu'une femme porte le djilbab, on dit que c'est une extrémiste. Et on entend cela même de certains musulmans qui se sont égarés, on se fait yani qalladou tayyib al-gharbiyyin tayyib. Ou bien lorsque l'homme ne veut pas aller est-ce qu'il y a un mot plus soutenu pour dire en boîte, comment est-ce qu'ils disent en disque, dans les discothèques? Alhamdulillah, je ne connais même pas ces noms-là. Wallahilhamd. Tayyib. Mada, yani le jeune garçon qui se refuse à aller dans ces endroits où les gens dansent tout nus, se droguent, boivent de l'alcool, commettent l'adultère, la fornication, et ainsi de suite. Yani, ils disent, tu ne t'amuses pas, tu ne profites pas de ta jeunesse. Ya subhanallah, profiter de sa jeunesse, c'est apprendre son dîn, s'épanouir. Hein? Subhanallah. Celui qui profite de sa jeunesse, c'est celui qui a délaissé les péchés. Celui qui fréquente des femmes, qui boit de l'alcool, qui se drogue, va le voir ensuite, quand il aura grandi, et parle-lui de son enfance. Parle-lui de sa jeunesse et pose-lui la question s'il a voit qu'il a profité. Hein? Toutes les stars qu'ils ont commencé dans leur domaine de haram à 10 ans, 15 ans, où est-ce qu'ils ont fini? Régulièrement, tu lis dans les journaux, tel star est décédé. Pourquoi? Overdose. Tel star est décédé. Pourquoi? Il a bu de l'alcool avec de la cocaïne. Tel wahakadha. C'est ça profiter de sa jeunesse. Hein? C'est ça profiter de sa jeunesse. Tu vas dans un lycée, peut-être tu ne trouves pas 20% des femmes qui n'ont jamais fréquenté d'homme. Subhanallah. C'est ça profiter de sa jeunesse. Une femme qui, lorsqu'elle se marie, a déjà donné à 10 hommes ce qu'elle va maintenant donner comme reste à son mari. C'est ça profiter de sa jeunesse? Là, il y a des femmes qui se sont égarées du droit chemin en pensant que le bonheur était dans le suivi de ce qu'elle voit et dehors et à l'école. Là, wallah, la femme intelligente qui profite de sa jeunesse, c'est la femme qui se préserve. C'est la femme qui a lu le Coran, qui a su qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé une noblesse que personne après lui ne pourra lui accorder. Et que cette noblesse ne passe que par la soumission à Allah Azza wa Jal. Allah n'a pas interdit aux hommes de commercer avec les femmes, mais dans le halal, mais en préservant l'honneur de toute la famille. Quel honneur est préservé lorsqu'un homme vient et prend une femme qui a des parents et il va faire ce qu'il veut avec elle, ensuite il la jette? Quel honneur est préservé? lorsque la femme sort en pleine nuit pour aller avec des hommes? Quel honneur est préservé lorsqu'une femme monte avec des hommes qui ne sont pas ses frères ni ses pères en voiture? Quel honneur est préservé? Subhanallah. Et combien sont les jeunes parmi les garçons et parmi les filles, subhanallah, qui font la salat et qui peut-être viennent à la mosquée, peut-être lisent le Coran. Et tu trouves ces gens-là, ils fréquentent des femmes. Wal'iyadu billah. Et ces femmes-là ne s'élèvent pas à un niveau de pudeur, à un niveau de respect envers elles, au point où elles permettent à des hommes en dehors du mariage, hein, de parler comme l'homme parle à son épouse. Elles se laissent emmenées par un shaytan. Ça commence par un numéro de téléphone, ensuite une discussion, ensuite il lui tient la main, ensuite, yani, vous connaissez la suite, jusqu'à ce que cette femme vienne pleurer et dire: j'ai un enfant hors mariage, est-ce que je peux me marier avec cet homme? Jusqu'à ce qu'elle nuise à l'honneur de toute une famille. Et peut-être que toute sa famille sont pieux dans la religion d'Allah Azza wa Jal, et que cette femme vient pour déshonorer toute une famille. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi la parole d'Allah dans le Coran, elle n'a pas suivi la parole du prophète dans la sunna, et elle n'a pas suivi également le bon sens. Elle n'a pas suivi également le bon sens, car par nature, la femme, elle ne veut pas être approchée si ce n'est par l'homme qui restera avec elle toujours, son mari. Wallahi, même elle kafara, hein? Même des non-musulmans prêchent à la chasteté de la femme si ce n'est dans le mariage. Subhanallah. C'est connu dans les pays comme les États-Unis, même certaines personnes en France, et ainsi de suite. Wa nahnu ahl al-islam ahq bi dhalik. Hein? Et nous sommes plus en droit de cela, car nous avons le livre, le dernier livre, qui appelle à tout le bien. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ceux qui changent les choses. Au jour d'aujourd'hui, celui qui ne fume pas est considéré comme étrange. Celui qui ne se mélange pas avec les femmes, n'embrasse pas les femmes, ou ne serre pas la main aux femmes, à lui c'est un extrémiste. Subhanallah. L'homme qui vous respecte et qui s'interdit de toucher la main d'une femme qui ne lui est pas permise, car il voit que la femme à un niveau trop élevé pour se voir touché en dehors d'un homme qui lui est permis, celui-ci c'est un extrémiste. Et celui qui va avec cette femme et qui commerce avec cette femme, c'est un homme qui l'a respecté, pour ensuite le lendemain lui dire au revoir. Subhanallah, taqlib al-mafahim. Subhanallah. Et ils ont corrompu la manière de penser des jeunes, au point ils ont pu s'accaparer de leur cerveau, du moins ce qui leur reste d'intelligence, pour pouvoir les emmener comme bon leur semble, tels des bovins. Ils ont corrompu l'intelligence et le côté intellectuel de la jeunesse afin de pouvoir les diriger et de les distraire de ce pourquoi Allah Azza wa Jal les a créés. Tayyib. Donc ça c'est un point muhim jiddan. Al-muslim, la siyama shab, le musulman, tout particulièrement le jeune, ne doit pas se laisser aller à ce qu'il voit dehors. Même s'il entend ce qui prêche, hein, il entend ce qui prêche à cela. Tayyib. La drogue, ils veulent le rendre halal. Ils veulent la rendre halal. Tayyib. Ils disent que de fumer, c'est pas bon, mais en même temps, chaque année, ils augmentent le prix. Tayyib. Ils disent que l'alcool tue, mais ils vendent de l'alcool, et ainsi de suite. Et au final, ils légalisent le haram. Mais plus que cela, ils appellent ensuite les gens à considérer que tout cela est normal et plus encore est une bonne chose. Donc le musulman prend du recul sur les situations et il ne se laisse pas embrigader dans ces choses-là. On voit de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala secours Ahlul Iman, les gens de la foi, même s'ils sont peu. Lot alayhi salam était tout seul contre tout son peuple. Allah Azza wa Jalla l'a secouru, alors que l'autre était un étranger dans ce peuple. Tayyib. Allah Azza wa Jalla l'a secouru lui et a anéanti son peuple. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah a promis dans le Coran de secourir les croyants. On voit ici qu'il y a avec la difficulté la facilité, et que le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche des croyants, et que plus ton problème augmente, plus le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche. Certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, elles désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla parce que le problème est gros. Non, au contraire, plus ton problème est grand, plus cela signifie que le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche de toi. Hein? Plus le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche de toi. Regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont failli l'assassiner, Allah Azza wa Jalla a secouru. Hein? Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé face à la mer, et à dos il avait Firaoun et son armée, khalas, il n'y a plus d'échappatoire. À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa. Pourtant, en apparence, c'est le moment où Moussa alayhi salam ne peut plus rien faire. Ça, c'est en apparence. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous revient qu'on a cité il y a peu de temps? Naam. Un moment où le prophète est dans une situation, yani au point culminant de l'épreuve. Puis Allah Azza wa Jalla a secouru, naam. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu, subhanallah. Donc plus le problème est grand, sache que plus le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche. Certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, elles désespèrent. Khalas, j'ai fait de dua. Hein? Je suis malade depuis tant d'années. Subhanallah. Est-ce que tu as été plus éprouvé que Ayoub? Est-ce que tu as été plus éprouvé que Daoud? Est-ce que tu as été plus éprouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'Ibrahim alayhi wa sallam? Pourtant, Allah les a secourus. Il te faut juste patienter, te réformer, te repentir, faire dua et Allah Azza wa Jal te voit. Donc il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَقْنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ الْضَالُّونَ. Et qui sont ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah si ce n'est ceux qui sont égarés? Taïb, certaines personnes ont des épreuves. Elles pensent qu'Allah ne va pas les secourir. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Voici une mauvaise opinion que tu as de ton Seigneur. Non, tu dois penser que du bien d'Allah Azza wa Jal et te dire qu'il va me secourir, il va m'aider. Mais il me faut moi me soumettre à ce qu'il m'a commandé. التوحيد والطاعة والاستسلام لأمره وشرعه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والله ينصرك. On voit ici شجاعة لوط عليه السلام, le grand courage et la noblesse du prophète Lot عليه السلام et son mérite. On voit le fait de se diriger vers Allah عز وجل dans la difficulté comme l'a fait Lot عليه السلام, et on finit en disant القرابة ما تنفع مع الكفر. Le fait d'être proche des gens vertueux n'est pas utile tant que tu as un shirk. Comme l'épouse de Lot, c'était l'épouse de Lot. Et pourtant, Allah Azza wa Jal l'a anéantie avec son peuple. Elle sera dans l'enfer et Maza dans l'au-delà. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yutahhira qulubana min adnasi ash-shubuhati wash-shahawat wa yurshidana ila sawa'is sabil ila siratil mustaqim. اللهم يا حي يا قيوم انفعنا بما سمعنا وفقنا إلى العمل بما تحب وترضى وادفع عنا كل سوء ومكروه وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا إن شاء الله تعالى نباسون الاستوار du prophète Shu'aib alayhi salam, le troisième prophète arabe. Et samedi, n'oubliez pas votre cours avec Sadiq Wafakahullah dans cette mosquée à ma place après l'Asr. Barakallahu fikum.